Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr. Ça y est, après 8 rounds plus un round 0 déjà riche en rebondissements, nous allons enfin savoir qui va succéder à Batwoman et à Arnaud, coach gagnant de la saison dernière. Je suis Mathieu et la finale des Infinity Wars, c'est maintenant. Et donc, on le disait tout à l'heure, juste avant le générique, il est tenant du titre, donc on va commencer par le présenter, on va lui donner cet honneur, puisqu'il va vite quitter la partie. Arnaud. Salut. Arnaud qui défendra ce soir Venom, qualifié dans le round 7, qui aura pour commencer la partie un niveau 4 et 56 points. Il ne devrait pas rester trop longtemps non plus, Clément. Salut. Il défendra lui un écureuil et un poney, puisque ses deux personnages sont cheap. Le Green Lantern écureuil de niveau 4 avec 56 points et son deuxième personnage et le personnage de plus haut niveau de cette finale, niveau 7, c'est Twilight Sparkle, le c'est petit gros bonnet, blague. N'importe quoi. Avec 70 points de vous l'avez entendu râler, c'est un petit peu son habitude, Léo. Salut. Léo qui lui défendra le dixième docteur de niveau 5 avec 55 points, décidément ça fait beaucoup de 5, et du coup beaucoup de 4 pour son deuxième personnage, Jessica Jones, niveau 4 et 44 points. Et ouais, c'était très The Voice comment tu nous présentes là, un petit coach, tout ça. C'est clair. Ah, c'est pas mal, hein. Et puis, bah, évidemment, hein, c'est moi qui ai le plus de personnages, hein, puisque tout, je suis le plus, je suis le plus riche en fils de puterie et en stratégie, c'est normal. Non, Léo est pas mal aussi, hein. Léo en, a... ouais, en fils de puterie, il est pas mal aussi. J'en défendrai donc 3 pour cette finale. On commencera par Spider-Man 2099, qualifié au round 6, niveau 4, 56 points. J'ai aussi Gertrude, fameuse Gert de I Hate Fairyland, le comics de Scotty Young, niveau 6, 90 points. Et puis Deadpool, qualifié au round 2, niveau 6 lui aussi, et 96 points. C'est celui qui démarre la partie avec le plus de points de vie. Voilà, on rappelle rapidement les règles. Chaque tour se compose d'un lancer de dés, qui lancera donc 2 dés. Un dé selon le niveau de vos personnages, qui sera soit des dégâts, soit des soins, selon ce que vous souhaiterez faire. Et un deuxième dé, qui est un dé entre 1 et 100, qui donne un événement qui impactera forcément le jeu. On a l'habitude maintenant, quand on a écouté les 8 rounds, les événements ont fortement impacté le déroulement du jeu, notamment le dernier round qui a été interminable à cause justement de ces événements. Un événement n'est plus là, c'est le reboot. Le reboot a été enlevé pour cette finale, histoire qu'elle ne dure pas trop longtemps. Elle a été remplacée par un événement que vous découvrirez, et puis nous en avons rajouté un autre à la place d'un off-side, un événement qui pourrait interrompre la finale beaucoup plus rapidement que prévu. Donc on verra ça. Pour cette finale, bah, je propose que ce soit Arnaud qui aille nous dire les événements, vu que c'est toi qui as le moins de personnages. D'accord. On va commencer avec, donc l'ordre de passage sera le dixième docteur, puis Deadpool, puis Chip, puis Gertrude, puis Twilight Sparkle, puis Spider-Man 2099, puis Venom, puis Jessica Jones. Voilà, c'est l'ordre des rounds, tout simplement. Et donc, le vainqueur du round 1 commence, c'est Léo avec le dixième docteur. Eh bien, pour bien commencer cette finale, qui de quoi de mieux, bien sûr, que d'attaquer Twilight Sparkle. Donc tu vas lancer ton dé avec un dé de niveau 5, donc, qui est un dé qui va entre 0 et 30 points. 11. Ah. Donc Twilight Sparkle perd 11 points d'entrée et se retrouve à 59 points. Ouf. Quant à l'événement, Arnaud, c'est l'événement 88. On se rappelle de cet événement 88, c'était le Super Sonic Punch, mais je ne sais pas si c'est encore le même. Super Sonic Punch Baby, l'attaque que tu viens de faire est augmentée, non plus de 3 points comme avant, mais de 6 points. ça fait mal. Il fait donc 17 points au lieu de 11 contre Twilight Sparkle, qui est donc à 53 points, déjà le personnage presque le plus faible de la finale. Bande de connards. C'est à moi avec Deadpool. Deadpool est de niveau 6 et... Deadpool va suivre la tendance et essayer de taper sur Twilight Sparkle. Alors, un dé de niveau 6, 33. Ouh. Le niveau 6 va jusqu'à 40 au niveau des points de dégâts. Hein. Donc, ça fait mal au cucu de Twilight Sparkle qui est déjà à 20 points. Ça risque d'aller très vite cette finale. Donc, 33 points et l'événement, c'est 57. Assemble, les vilains perdent la moitié de leurs points. Ouh. Ça fait mal. Et c'est Venom, le vilain, le seul vilain de la bande, c'est Venom et qui perd donc 28 points sur ses 56. Là, l'intérêt des soins va être important et l'intérêt du travail en équipe aussi, bah, sauf pour Arnaud, malheureusement. Mais... Allez, Clément, c'est le petit écureuil Chip qui rentre en scène, 56 points, niveau 4. Chip va soigner Twilight Sparkle. Évidemment. Donc, c'est un niveau 4 qui lance, et le dé de niveau 4 vaut 4 points. Quant à l'événement, il s'agit du niveau 15. Enfin, événement 15, plutôt. Pardon, oui. Iron Fist, fist un personnage et arrache lui un point. Bon, c'est un petit fist avec le doigt, là. Ouais. Bon, bah, je vais fister Venom. Sale pute. Moins 1 pour Venom, et donc plus 1 pour Chip. La Gertrude d'entrée en jeu. Gertrude est de niveau 6, donc elle a toutes les chances d'en finir, peut-être, avec Twilight Sparkle, donc on va faire ça. Et non, ça ne suffira pas, puisque c'est moins 1. Voilà, événement 41. 9-7, il ne se passe rien. Ok, on enchaîne avec la pauvre Twilight Sparkle, victime de tout le monde depuis tout à l'heure. Niveau 7 et plus que 23 points. Et donc ça peut aller jusqu'à combien ? Le niveau 7, c'est jusqu'à 40 points, le dé. 40 points ? Entre 0 et 40. Je vais attaquer Venom. D'accord. Mais Arnaud va pas rester longtemps si ça continue. 3. J'ai rien dit, ça va. Ah, événement 88, donc c'est le Super Sonic Punch, donc c'est 9 au lieu de 3. Donc Venom se retrouve à 18 points, et c'est à Spider-Man 2099 d'attaquer. Niveau 4, c'est donc entre 0 et 25, ça peut suffire pour tuer Twilight Sparkle, et j'ai bien envie qu'elle ne passe pas ce premier tour, qu'elle finisse pas. J'ai des connards. Donc on va attaquer le poney. Alors, attention. Ah, oh, ça suffira pas, mais je pense que le prochain sera le bon. Moins 20. Vous êtes vraiment des enfoirés quand même. Niveau 32, événement 32, pardon, Arnaud. Donc 32, ou moins 6. Pour moi, du coup 6 points de moins, oui. Oui, c'est pas sur l'attaque, ok. Donc, pour Arnaud, prend très cher, et il risque d'avoir une bonne chance de niquer un personnage quand même. Là. Non, mais ça, c'est une blague, ça. Donc Twilight Sparkle se retrouve à 3 points et toujours le niveau 7. C'est à Venom de jouer, 18 points et niveau 4. Il va tenter son coup contre la ponette. Oui. Putain, vous êtes vraiment des enfoirés quand même. Tu as fait ? Oui. 22. Oh putain ! Ah la mort ! Non mais c'est honteux là de s'acharner contre moi comme ça. Mais c'est voilà. Un poney, Clément. Tout est dans ça. Un poney qui brille. Et Clément, reconnaissons-le, paie aussi son comportement indigne des deux derniers rounds. Attends, c'est qui c'est, rappelle-moi ce qu'a fait Léo au dernier round. Oh mais attends, il le paiera après, c'est le prochain sur la liste. Niveau 5 du coup maintenant pour Venom, qui passe donc 5 x 14, 70 points de vie. Comme quoi Arnaud relance 14, le game. En 14, c'était son nombre de points de base. Ah d'accord. Ah oui, on va pas te faire 5 x 56 quand même. Allez, et l'événement, on ne l'a pas dit ? Ah oui, l'événement. Et non, on ne l'a pas dit. Alors attention, c'est l'événement 82. 2 points de moins. 2 points de moins pour Venom. J'ai eu peur là, Arnaud. Il passe à 68 du coup. Allez, Jessica, c'est à toi. Jessica Jones, niveau 4, 44 points. Jessica. Bah, tant qu'on est dans l'anti-SPA. Non ! Non, mais non ! Je sais pas, j'ai une de ces envies de tabasser un écureuil, là. Moi, je l'aime bien, Chip, donc je taperai peut-être pas dessus, je sais pas encore, mais j'aime bien ce personnage. Ouais, vas-y, tu peux faire jusqu'à 25 points de dégâts, hein, donc... Ah bah, c'est fort de Jessica. T'as deux personnages qui jouent à la suite, si tout se passe bien, tu enlèves 50 d'un coup. Ouais, et l'offrir à Deadpool aussi. aussi. C'est ça le problème. On commence à me connaître. Voilà, pour ceux qui n'ont pas écouté tous les rounds, hein, vous découvrez la rapidité de Léo dans le choix de ses actions. Mais réflexion, putain, un jeu, ça exige de la réflexion aussi. Tu peux lancer ton dé en attendant, comme ça on aura déjà le chiffre. Enfin, j'aurai déjà le chiffre. Ouais, bah justement. Non, je vais continuer je vais taper sur Chip. Ok. Avec un dé de niveau 4, donc de 0 à 25 points, Chip a 56 points pour le moment et il va en 57, excusez-moi, et il va en perdre 16. Ouh. Aïe. Il va se retrouver à 41. Quant à l'événement, il s'agit du 38. Sidekick, choisis un allié qui te soigne à sa prochaine attaque. Donc l'allié que tu choisiras, en plus d'attaquer, te soignera également du même nombre de points de vie. Donc soignera Jessica. Deadpool me soignera. D'accord, un personnage de niveau 6, c'est effectivement intelligent. C'est au 10e docteur de jouer. Bah, écoute, 41 après tout, voilà quoi. Attends, j'hésite un chouïa. Non, pas la peine. Le 10e docteur va attaquer Chip. Putain, d'accord. Mais non, mais... Ouf, putain, c'est deux gros lancers, hein, 21. Oh la vache, non! Ah ouais, là c'est. J'ai bientôt pour me remplacer, Clément. Pour mais non, mais c'est. Quant à l'événement, c'est 2,86. Ah, j'aime pas. Oh, Michael Bay de la CW, tout le monde perd 2 points. Ok. Parce que tout le monde est fauché sur la CW. Donc, oui, bah oui. Il y a un Michael Bay du pauvre, ça peut être un peu redondant quand même. Ah non, parce qu'il y a plus pauvre que la CW, il y a Sony. donc voilà, donc tout le monde vient perdre ses 2 points. Chip ne se retrouve plus qu'à 18 points au moment où Deadpool de niveau 6 va entrer en scène. Deadpool va-t-il frapper Chip? Ou Deadpool va-t-il faire preuve de la fils de puterie légendaire de son coach? Puisque sachez que Deadpool est censé soigner Jessica Jones à sa prochaine attaque, mais rien ne l'empêche d'attaquer Jessica Jones en même temps. Deadpool va donc attaquer Jessica Jones, ce qui fera un soin à zéro. C'était un dé de 28, donc moins 28 pour Jessica Jones, plus 28, puisque je suis obligé de la soigner en même temps, donc une action nulle. 42 pour Jessica Jones, qui reste à son niveau. Quant à l'événement, je n'aime pas trop voir des chiffres aussi élevés. 98. C'est pas passé loin, mais 9 cède. Ok, 9 cède, il ne se passe rien. C'est pas passé loin. C'est pas de chip avec ses 18 points de jouer. 4, on le rappelle. Je vais me soigner. Eh bien, 23, c'est un beau soin. Pour un événement, là encore, de niveau assez élevé, le numéro 87, et je crois savoir ce que c'est. Batman v Superman, comme le box-office du film, tous les scores sont divisés de moitié. Donc voilà, tous les scores... Voyez pourquoi sont... je voulais taper cet écureuil. Donc, on se retrouve avec un dixième docteur à 27 points, avec un Deadpool à 47 points, au lieu de 94 quand même, ça fait mal. Ouais, ça fait une chute là. Chip, quant à lui, passe 41, ça va nous faire du 21. Vous voyez pourquoi je voulais taper Chip. Gertrude perd 44 points et se retrouve à 44. Spider-Man 2099 perd 24 points et se retrouve à 24. Venom en perd 33 et se retrouve à 36. Et Jessica Jones en perdra 21 pour se retrouver à 21. Donc là, là, ça devient dangereux. Voilà, ça maintenant devient... comprenez et tapez Chip. C'est lui, là, le responsable. Ça devient vraiment dangereux. Et c'est Chip qui vient de jouer, là. Hein. Oui. Hein, c'est ça. Donc c'est à Gertrude de jouer. Gertrude qui est un personnage de niveau 6, donc il a une chance assez forte d'éliminer quelqu'un. Jessica Jones. Puisqu'elle peut faire jusqu'à 35 de dégâts, et tu l'as bien compris, Clément, c'est Jessica Jones que je vais attaquer. Mais laisse Jessica, putain de Chip, qui vient de te réduire la moitié tes points. Tu as choisi quelqu'un de mon équipe pour le forcer à te, pour te, le forcer à te soigner, tu le payes. C'est vraiment un enfoiré. Hein. C'est tout. Alors c'est attention, attention, attention. 25, et oui, Jessica Jones vient de perdre la vie. C'est pas bon de s'attaquer à quelqu'un qui a beaucoup de joueurs. Pas attaqué à toi, je t'ai fait demander de me soigner. Ah oui, bah, pire quand même. Et c'est grave dans mon esprit. Alors, donc 24. Donc, Gertrude passe niveau 7. Ça, c'est important. Gertrude passe niveau 7. Il faut juste que je fasse un petit calcul. Pour voir combien de points elle se retrouve. La merde. Beaucoup. Beaucoup, ouais. Bah, elle va rester au niveau d'origine. 105. Ah non, même plus, d'accord. 105 ses points. 105, ouais. Il n'est pas divisé par 2. Bah non, c'est divisé par 2, mais après, quand on monte de niveau, on reprend son score de base. Le score de base qui était 15 pour Gertrude, c'est ça qui fait que je cherche, en fait. Donc 15 x 7, 105. Donc Gertrude, là, se place plutôt pas mal, à moins qu'elle soit victime, du coup, de tout le monde. L'événement, j'ai oublié, excusez-moi, c'est le 11. Schumacher, la pince à téton te fait perdre 8 points. Mettre une pince à téton sur un enfant de 8 ans, c'est dégueulasse. Elle l'aura cherché. Hein. 97 points, du coup, pour Gertrude. On a perdu Jessica Jones, qui est la deuxième victime de cette finale, et c'est à Spider-Man 2099, qui m'appartient, au niveau 4, de jouer. Et Spider-Man 2099 va soigner Deadpool. Son comparse. De 2, mais c'est toujours mieux que rien. Hein. Événement 98, 9 side, je crois que c'est pas peine d'aller le regarder. Ouais, 9 side, il ne se passe rien. Arnaud avec Venom, niveau 5, 33 points. Il peut marquer combien? Alors, un niveau 5, ça va jusqu'à 30. Mmh. Donc, t'as 3 personnages en ligne de mire. Ouais. Ou je me soigne. Ou tu te soignes. Pour récupérer les 33 points que tu viens de perdre, peut-être. Ouais, je vais tenter de me soigner. Ou une partie, tout du moins. Un des deux niveaux 5 qui te rapporte 23 points. Toujours ça. Tu passes donc à 56. Pour un événement à chiffre double, j'aime pas trop. C'est 44, mais je sais ce que c'est. Oh putain. Peter 44, le président de Blades, vous accorde un deuxième lancer pour la même action. Donc même action, tu vas re-soigner à nouveau Venom qui va reprendre ses points. Merci, monsieur le président. Et le président Blais. Oh putain, score maximal 30 points. Oh la vache! Ah oui, là c'est une superbe action qui te fait gagner 53 points du coup, 86 maintenant tu te retrouves, donc pas de deuxième événement, hein, c'était juste une même action que tu faisais. C'est au docteur de jouer, le docteur qui se retrouve avec 27 points niveau 5. Et moi je peux faire 30 aussi maximum. Oui, de 0 à 30, mais en même temps on vient d'avoir 21 et 30, donc les probabilités veuillent que, à mon avis, t'es pas à 30 tout de suite. Quoi. ouais, c'est ça. Mais bon, c'est jamais. Aïe. Je sais pas, j'hésite un peu parce que là je suis pas non plus en bonne position. Nous allons vous faire écouter une petite musique d'attente pendant. Mais purée, mais est-ce que un jour ton cerveau a réfléchi pour pouvoir comprendre ce qui m'arrive? Oh. Bah il t'arrive, t'es dans la merde. Donc. Bah écoute, justement, j'essaie d'en sortir le mieux possible. Je vais me soigner aussi. Ok, avec un dé de niveau 5, vas-y, j'attends que ça se lance. 13, écoute, c'est correct. Voilà. Correct, je trouve à 40 points. C'est à Deadpool de jouer. Eh, mon événement. Ah oui, événement, excuse-moi. Oh là là, je viens de me faire engueuler, dis donc. Événement numéro 96. 96. Ah, Arnaud. Les personnages indés gagnent 2 points. Donc le docteur gagne 2 points. Chip ne gagne pas 2 points. Gertrude gagne 2 points et c'est tout. Puisque Twilight est défunte maintenant. C'est donc à Deadpool de niveau 6 avec 49 points de jouer. Et Deadpool. Niveau 6, ça peut aller jusqu'à combien ça? Jusqu'à 35. Je vais peut-être pas taper sur Spider-Man quand même. Non, bah Deadpool, écoutez, il va se soigner tranquillement. Hein. Il va essayer de récupérer un petit peu des points. Bon, 14, c'est pas mal. 14, c'est pas mal pour un événement qui n'est autre que le 34. Et je sais ce que c'est. Fear the Walking Dead, les morts lancent un dé pour attaquer le personnage qui les veut tuer. Alors, les morts, c'est Jessica Jones qui a été tuée par Gertrude. Donc, il va lancer un dé de son niveau, qui était donc niveau 4. J'y vais. C'est le 11. Donc, 11 points de moins pour Gertrude, du coup, qui était le bourreau. Et Twilight Sparkle était de niveau 7 et va donc lancer un dé contre son bourreau, qui était Venom. Arnaud, j'ai pas... Ça peut aller jusqu'à combien, là? Le niveau 7, ça peut aller jusqu'à 40. Oh. 13. Ah, bah, ça va. Les dégâts sont limités. Venom se retrouve à 73 points. Et c'est à Chip de jouer. Chip, 21 points, niveau 4. Chip va se soigner. Il fait comment pour soigner? Il se lèche la queue? Il fait quoi? Il mange une noisette? Ouais, j'ai lancé le dé. Hein. Tu as lancé le dé de niveau 4 qui te donne 11 points. D'accord. Et alors l'événement, il porte un chiffre, voilà, hein, c'est 52. Ah, oh, putain. New 52, interdiction d'attaquer DC pour les 3 prochains joueurs. Donc c'est-à-dire que Gertrude, Spider-Man 2099 et Venom ne pourront pas attaquer Chip. Oui. Mais oui, merde, c'est grimé. Oh, fait chier. Donc c'est à Gertrude de jouer. Niveau 7, 88 points, surpuissante. Elle peut faire jusqu'à 40 points de dégâts. Et elle va taper... Ah, elle va taper sur Spider-Man 2099 qui va faire son nouveau équipier. Oh, quel bâtard. 25, eh ben ça suffit. Oh la vache. Mathieu, mais qui t'a payé là? Gertrude vient donc de tuer un coéquipier pour passer niveau 8. Et alors là, il y a moyen que Gertrude fasse super mal puisqu'elle va passer à 120 points. Oh Gertrude, niveau 8, 120 points. Elle peut faire des dégâts maintenant allant jusqu'à 50. Vous savez qui va être la cible là. Et elle a toujours Deadpool pour la soutenir. Et c'est important. Venom, niveau 5, 73 points. Il va se soigner, parce qu'il ne peut pas attaquer Gertrude. Parce qu'il commence à flipper. Pourquoi il ne peut pas attaquer Gertrude? Chip. Ah, il va attaquer Gertrude. Non, vaut mieux pas Gertrude pour le moment. Non, vaut mieux pas Gertrude pour le moment. Du coup, celui qui la touche, il va se prendre la foule de Deadpool et de Gertrude, niveau 6 et 8. Tu as lancé? Non, tu n'as pas lancé. Oui. Ah, parce que j'ai ton cadre encore qui apparaît sur le... Bah, je peux recommencer si tu veux. Canard, c'est qui? C'est Clément. C'est pas moi, le canard. Il va s'enlever du dé, alors. Voilà. Ça peut pas marcher, du coup. Ça y est. Cette fois, c'est bon. Juste Venom, niveau 5, 13 points. C'est toujours ça. Niveau 4. Non, 5, oui, c'est ça, 13 points. 5, hein. Oui, 5, 13 points. Non, mais 4, c'était 3 points. Événement numéro 84. J'ai peur, là. 84, les personnages d'ici perdent 2 points. Qui sont les personnages d'ici? Mais c'est Chip. Et du coup, maintenant, tout le monde peut s'en reprendre à Chip. Les trois personnages ont passé leur tour. Ah non ! Il peut crever d'un seul coup. Et maintenant, il peut crever d'un seul coup des mains de tout le monde, puisque plus personne... Mais vous êtes vraiment des enfoirés, quand même. C'est au docteur de jouer. Bon, enfin, il faudrait que le docteur fasse 30 sur 30. Hein. C'est quand même assez important. Ouais, c'est un peu chaud comme probabilité, quand même. Mais moi, je serais vous, j'attaquerais dit pour Gertrude. Hein. Bah, attaque-le, toi, si tu veux. Ouais, mais... je vais me soigner. C'est une sage décision. Ah, 30 points, bravo! Tu aurais donc pu tuer Chip. Oh putain, ah ouais, mais bon, c'était quoi la probabilité, bordel? C'est pas une sur 31. Et c'est Ant-Man, l'événement, puisque c'est l'événement 34. N'importe quoi, l'événement 36. Fear the Walking Dead. Non, 36. Ah, 36, Ant-Man. Change de taille et esquive l'attaque de ton choix. Ouais, je l'avais lu dans la liste avant d'annoncer le numéro. Donc tu changes de taille et tu pourras esquiver l'attaque de ton choix. Donc quand quelqu'un te dira « j'attaque le 10e docteur », tu pourras choisir d'esquiver ou non. D'accord. Et jusqu'à ce que tu aies esquivé une fois, tu gardes ce droit. D'accord, je maintiens pour l'instant. Bah oui, parce que t'es pas attaqué. Voilà. Il est malin. Alors, que va faire Deadpool ? Que va faire Deadpool ? Que va faire Deadpool ? Écoutez, il voudrait bien attaquer le docteur parce qu'il l'aime pas trop. Hein, c'est le docteur, c'est le meilleur docteur en plus. Mais il peut pas parce qu'il va esquiver à tous les coups ce petit connard. Donc il va. Du coup, on serait débarrassé. Donc il va attaquer le docteur quand même. T'es un peu un enfoiré, laisse-moi réfléchir, enfoiré. Donc Deadpool niveau 6 peut frapper jusqu'à 35. Je vais lancer mon dé, tiens, pour savoir. Voilà, je sais ce que je fais comme score. Il y a une chance sur deux qu'on rigole beaucoup. Non, je laisse passer. Donc tu n'esquives pas ? T'aurais pas dû, je pense. Tu n'esquives pas, c'est ça ? Tu confirmes ? Je confirme. Zéro ! Ah, bien joué ! Ah, L'instinct ! Événement 32, Arnaud, s'il te plaît. 6 points de moins. C'est combien ? 6 points de moins. 6 points de moins. Voilà, c'est comme donc, ça qu'on s'en fout. Cool, 57 points. C'est à Chip de jouer, la petite victime. Je vais me soigner. Avec un dé de niveau 4, vas-y. Donc on rappelle, entre 0 et 25, et tu fais 15. Non, tu passes donc à 45 points, ce qui peut te permettre de tenir encore un petit peu. Quant à ton événement, il est le 40. Je crois me rappeler que 40, c'est pas bon. Oh putain. Chichi. Oh non. Putain, c'est le chichi. C'est le chichi. Oh, non, donc c'est-à-dire que Chip sera attaqué forcément par les trois prochains personnages. Oh, et la prochaine, putain. C'est Gertrude qui peut faire jusqu'à 50 points de dégâts. Donc elle peut tuer un coup. C'est de la merde. Alors attention. Gertrude, alors c'est un dé de niveau 8. 38 points. Ouh! Ouch! Arnaud, t'as une occasion en or là. Je sais pas si tu t'en rends compte. Oui. 38 points. Arnaud, je te laisse lire l'événement numéro 6. 6. Michael Bay, tout le monde perd 10 points. Oh putain! Oh, Chip est mort! Ah, mais non, mais franchement, c'est. J'ai rien vu. Gertrude passe au niveau de 9. Oh non, mais là, si vous vous rendez compte là. Mais Mathieu, je vous avais dit de pas tuer. Non, voilà, t'étais pas encore mort là, hein. C'est vraiment le chichi qui a fait le travail. Hein. Non, mais j'ai rien pu faire, c'est pas drôle. Et bah, attends, tu peux ressusciter, hein. On rappelle l'événement. Ouais, enfin, tu parles. Donc, Chip est mort, on l'enlève, à cause d'une action de Gertrude, qui passe donc de niveau 9, oh, et qui va donc être à 135 points. Arnaud. Et qui va frapper de 0 à 60. Voilà. Bravo! Puisqu'à partir du niveau. Après le niveau 7, on gagne 10 points sur chaque dé. Hein. Donc là, je crois qu'on a une sérieuse prétendante à la victoire. Ça serait marrant que ce soit elle, je vous avoue. Parce que personne, je pense, aurait parié sur elle avant le début du jeu. C'est à Venom de jouer. Venom ne peut plus frapper Chip puisqu'il n'est plus là, donc il n'y a plus de chichi. Venom, tu fais ce que tu veux. Niveau 5, 76 points. Voilà, putain, on est tellement dans la merde. Ça, eh ben voilà, fallait m'écouter. Soigner. Tu vas te soigner ? Ouais. Je vais pas vous donner des conseils de stratégie, mais c'est pas ce que j'aurais fait. Niveau 5 pour le soin, 15. Quant à l'événement, il s'agit du 17. Joli. Putain. Les héros gagnent 10 points. Alors, les héros gagnent 10 points, c'est le docteur, yes. C'est Deadpool, et c'est Gertrude qui en avait. Gertrude, une héroïne, c'est une tarée. C'est une héroïne. Bah, elle est tarée, mais c'est quand même une héroïne. Ouais. Enfin, ouais, on n'arrive pas vraiment à savoir. C'est. C'est une héroïne. Venom aussi fait des bonnes actions, des fois. Des fois. Ouais, pas bon. Ouais, je veux bien ne pas les mettre à Gertrude. Parce que... Non, Gertrude, c'est une héroïne, quand même. Clément, on est d'accord. Non. Oui. Mais tais-toi, t'as perdu, toi. Bah justement, ils s'en foutent. C'est comme ça qu'on est le plus honnête. Venom vient donc de jouer. C'est au docteur de jouer. Je sais pas quoi faire, là, franchement. Bah moi, à votre place, à vous deux, il y a un truc que je ferais, quoi, mais... Je vais pas non plus vous aider. Oui, non, Arnaud, t'as pas trop d'action, là. Oui, je sais. Bon, et bah tant pis, de toute façon, il y a un personnage à 150 000. Allez, 10e docteur, attaque Deadpool. Pour venger Barry Allen. Alors, avec un dé de niveau 5, hein, qui peut aller jusqu'à 30, et c'est 23. L'événement, le... Attention, le 24. 24. Oh non ! Vas-y, Clément. Relaunch, le personnage repart au score qu'il avait au début de la partie. Donc, c'est-à-dire hein, 55 points, donc tu perds 17 points dans l'opération. C'est à Deadpool. Tu peux parler de karma, toi, avec ton poney et ton écureuil. Deadpool, ouais, l'intérêt de Deadpool de niveau 6, s'il veut faire gagner Gertrude, parce que là, de toute façon, voilà, hein, je vais tout faire pour que ça soit elle qui gagne, c'est de mettre Venom un peu plus bas. Ouf, 35. Oh. Wow, ça pique. Et c'est 72. J'ai du mal. Clément, 72 pour l'événement. 72, un point de moins. Ouf. Écoutez, je veux bien. Une broutille. Alors, qu'elle va faire Gertrude avec son dé à 60 points? Qui c'est qu'elle va taper? On se demande. Le docteur? Plus au niveau 10. Le docteur, non. Chacun son tour. Venom a pris, le docteur prend maintenant. C'est chacun son tour. Oh bah 27. 27, ouais. Bon. 60, c'est pas top. Hein. Il y a la moitié de mes points, mais bon. Un peu déçu. L'événement, c'est de 83. 83, Nobside, il ne se passe rien. Il ne se passe donc rien, et c'est à Venom de jouer. Il va attaquer. Il va attaquer qui? Le 10e docteur. Quoi? Bah, tu sais quoi? Je vais esquiver. Eh oui, puisqu'il a l'esquive. Effectivement, donc tu as esquivé l'attaque. Tu as lancé ton dé, Arnaud? Oui. Ce qui est rigolo, c'est que tu as esquivé 8 points. Tu vas le regretter. Alors, bon, donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt intéressant. Et quant à l'événement d'Arnaud, c'est 24. Relaunch. Dans ta gueule. Relaunch, le personnage repart au score qu'il avait au début. Et bien, qui est le même. C'est le même que celui qu'il a actuellement, 56. Ah putain. Donc, dans vos gueules. Tout va bien, c'est à Léo de jouer avec le docteur de niveau 5, qui peut donc taper jusqu'à 30. Ou soigner jusqu'à 30. Ou se suicider. Je vais me soigner. 11. Déjà ça. C'est déjà ça, comme tu dis. Alors, la logique voulant que j'attaque un tour sur deux. Donc... L'événement. Oh, excusez-moi. Oh, en plus, c'est un événement avec un chiffre rond. Événement 50. Je crois savoir ce que c'est, mais je vais laisser Clément dire. Level up! Yes! Putain. Level up! Le docteur passe au niveau 6. Et 6 x 11, ça fait 66 points. On va en rajouter 2. Voilà, 66 points pour le docteur, qui passe donc niveau 6, c'est intéressant. C'est à Deadpool de jouer cette fois, qui voulait à la base taper sur Venom, mais comme le docteur devient un peu plus dangereux... Mais t'es un enfoiré ! Il va taper sur le docteur, avec un dé de niveau 6, et c'est 23 points. Quant à l'événement, eh bien écoutez, c'est le 24, et je sais ce que c'est. C'est ah non, Relaunch, le personnage repart au score du début de la partie. Et c'est-à-dire 96, donc il récupère 63 points, bon, tout va bien. Mais Maxime, c'est pas bien mon fournisseur, putain, c'est pas possible. C'est incroyable. Bah, c'est à Gertrude de jouer en plus. Gertrude, elle va taper sur... Je sais pas. Sur Venom. Oh putain. Alors avec un dé de niveau 9. Ouh, Venom a eu chaud au cul, 54. Oh non. Il reste 2 points à Venom. Quant à l'événement, attention, on sait jamais. Quant à l'événement, c'est le 55. 55, 5 points de moins. Donc pour Gertrude. Ouais, une broutille pour Gertrude. Qui passe à 140. Même pas un saignement de nez. Venom, c'est à toi, donc t'as quand même une chance de pouvoir te soigner. Ouais, on va tenter. 29. Ah putain, quand même. Pas mal. Et l'événement, c'est le 37. Ouais, j'aime pas, je crois. Les personnages indés perdent 7 points. 7 points. Ouais. Ouais. Donc c'est le 10e docteur et Gertrude, les personnages indés. 10e docteur 36, Gertrude 133, c'est au 10e docteur de jouer. Je peux faire jusqu'à combien, moi, avec mon dé? Un dé niveau 6, 35. 35. Donc tu peux tuer Venom. Ta gueule! Il ne me reparle pas. Non, mais là, de toute façon... Voilà. On joue pour la forme, j'ai l'impression. Ouf, ouais, c'est ça. Fais le malin, toi. Allez, le dixième docteur ne s'est jamais rendu avec panache. Le dixième docteur va quand même sacrifier sa vie pour... le dixième docteur va attaquer Venom. Ah, bien. Enfin, bien, oui. Oui. Niveau 6 hein, pour le dé, c'est ça oui, c'est ça. Tiens, le petit message sympa. Oh 28, ça ne suffit pas. Oh non. Oh putain. Ça ne suffit pas. Ouais, ouais, ouais. Donc Venom passe à 3 points. Sachant que ça peut être tout léger truc de jouer après. 67 pour l'événement. L'événement, Sidekick choisit un allié qui te soigne à sa prochaine attaque. Yes. C'est plutôt pas mal. Tu peux... Attends, tu dis que tu peux faire combien avec Deadpool? Bah, il est niveau 6, il peut faire 35. Deadpool, il est niveau 6, il peut faire 35. Et Gertrude est niveau 9, elle peut faire 60. Ouais, donc Deadpool pourra pas me tuer, quoi qu'il arrive. Donc, du coup... La question se pose même pas sur qui tu choisis, là. Bah, Gertrude va me soigner à sa prochaine fois. Ah oui. Gertrude te soignera donc à la prochaine fois qu'elle t'attaquera. Hein. Je vais t'as pas retenu la leçon de Jessica Jones, mais je vais te faire la même. Ouais, enfin, ça s'appelle la survie. Donc, ça sera un action nul, puisque je vais t'attaquer et te soigner en même temps. Donc, Deadpool, qu'est-ce qu'il va faire? Deadpool, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va quand même taper sur le docteur. Mais putain, mais t'as Venom en ligne de mire, espèce d'enfoiré. Non, ça m'intéresse pas, t'as vu le niveau que j'ai? J'ai envie de m'amuser un petit peu. Alors, ça sadique. Moins 13. Alors, un événement avec un double chiffre, c'est jamais bon. On va voir ce que c'est. 77. Mmh. Iron Fist, fist un personnage et arrache-lui 3 points. Oh, putain. Non. Est-ce que je fist Venom? Non. Non. Quoi, mourir sur un fist, c'est indigne. Je fist le docteur. Mais non, mais arrête, laisse-moi tranquille un peu, espèce de raclure. Donc, Gertrude va jouer. Gertrude est obligée de soigner le docteur, donc elle va l'attaquer en même temps. Oh, putain. 53. Dommage, t'aurais pu être soigné 53. Moins 53, donc plus 53. Voilà, le docteur est donc toujours à 20 points. Quant à l'événement de Gertrude, c'est l'événement numéro 75. Nopsade, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, et c'est à Venom de jouer, qui est le survivant avec ses 3 points. Quand même. Putain, mais il va tenter de se soigner. Niveau 5, il peut taper à 30, il a donc une chance sur 3 de pouvoir tuer le docteur. Non, il se soigne, il a dit. Oui, j'ai entendu, oui, mais je peux préciser pour les auditeurs. Mais il peut changer d'avis, Venom? Non, maintenant, c'est un peu... Il peut pas. Bon, bah il se soigne alors. Et on a dit niveau 5, c'est ça? Ouais. 14, donc bon, écoute, t'as bien fait. De... 44, ah bon, c'est ce que c'est. Le président Blade, The Letter 44, vous accorde un deuxième lancer pour la même action. Donc oui. Re-soigner. Elle est un petit 30 comme tout à l'heure. Hein. Avec toujours un dé niveau 5. Non, pas 30, mais 28. Ouh. J'ose pas dire ce que t'as fait au président Blade, va. Ça fait deux fois que le président Blade intervient en sa faveur. On peut effectivement se poser la question de ce qui s'est passé dans le bureau ovale. Il l'a sucé. Sous le bureau ovale, peut-être. C'est ta docteur de jouer. Fais-moi le malin. Ah non, mais. Il y a trop d'éléments contre moi, là, je me soigne. Avec un dé de niveau 6 jusqu'à 35, donc. 29, bah écoutez, il y a plutôt de gros lancers là pour le... Ça c'est la force de Russell, ça. Donc super. Donc 49 points... 40... C'est toi que ça va dire. 49 points du coup de vie pour le docteur qui nous cumulera peut-être un événement, le 41. Le 41... 9-7, il ne se passe rien. C'est à Deadpool de jouer. Moi, c'est en mythologie aussi. Deadpool va attaquer le docteur. Mais putain, mais laisse-moi un peu en paix. De toute façon, je me régénère, je m'en bats les couilles, il reste Matt Smith et Peter Capaldi derrière. Bon, c'est pas grave, ça sera pour 2017, on a le temps. Ah, mais Capaldi a un nouveau cycle de régénération, je peux encore me régénérer 10 fois. Alors, c'est un dé de niveau 6, c'est 9 points. C'est pas beaucoup, mais bon. Oh, désir, l'événement quand... Ah bah, quant à l'événement, c'est un gros chiffre, c'est le 90. Nopsade. Je pensais que c'était autre chose, je le sentais mal pour ma gueule. Dans le bled, là, ce serait bien. Quoi. Alors, celui qui va faire l'événement 93 va jouir. C'est ça. Gertrude, qu'est-ce qu'elle va nous faire, la petite? Écoutez, là, il y en a marre, à un moment, il faut attaquer. Hein. Gertrude, elle va taper sur... Plouf, plouf, ça sera toi que je vais attaquer. Venom. Oh, 4. Qu'est-ce que c'est que ce petit lancer? Événement 12. 2. Ah, 2. Les personnages Marvel perdent 12 points. Ça fait non, mal. Mais t'es sérieux? C'est pour ça que j'ai dit 12. C'est parce que j'avais vu l'événement. Moins 12 pour Deadpool et moins 12 pour Venom. qui doit donc jouer maintenant avec 29 points et 5 pour le niveau. Bah, il peut pas faire grand chose, Venom, là. Donc il va se soigner. 1. Hein? Ah ouais. Bah ouais, bah ça arrive encore. On a plus l'habitude, mais ça arrive. Événement 62. Clément, c'est ça. Ouais. Ouais, un point de plus. Et bah voilà, ça fait 2. Tu doubles la mise. Merci. Les événements sont généreux. 10e docteur, c'est à toi. Niveau 6, 40 points. Niveau 6, 40 points. Et un maximum à 35, c'est ça? C'est ça, pour le dé. Venom. Oh, écoutez, la discrétion. La petite voix des morts. Ouais, je sais pas trop. De toute façon, le karma, là, il est pas vraiment de notre côté. Donc, bon. Sinon, t'as Gertrude. Ah bah ouais, bien sûr. Quelle bonne idée. Pour finir plus vite, hein. Comme t'aimes mourir tôt. Ouais, c'est ça, l'homme qui voulait en finir plus vite et qui m'a mis un coup de poignard dans le dos, va. On en serait peut-être pas là. Je vais me soigner. Niveau 6, donc, pour le soin. Eh bah, 30. Oh wow. Mais je t'aurais pas tué, donc. C'est pas ça, mal. Oui, il aurait eu encore un point, le fameux point qui le maintient en vie depuis tout à l'heure. On est d'accord que le docteur a 30 points, hein. On est d'accord. Ah non, il y a un événement quand même. Il y a un événement. Ah, intéressant. Oui, il y a un événement peut-être intéressant. 57, Clément. 57, Assemble, les vilains. Les vilains perdent la moitié de leurs points. Ah, j'en ai marre. Venom perd donc 15 points du coup et se retrouve à 16. Attends, il aurait eu 0,5 points si je l'avais tapé. On ne peut donc pas faire. Bah non, il aurait gardé 1 du coup. Puisqu'on partage pas les points en deux. C'est à Deadpool qui trouve que décidément le docteur a beaucoup trop de points. Mais ça fait depuis 10 tours que tu trouves que j'ai trop de points, même quand je n'en ai pas assez. C'est toujours le cas. Tu vois ce que j'ai subi au début. Tu vas donc en perdre 18. Ça me semble plutôt être une bonne chose. Et l'événement qui arrive, c'est l'événement 67. On l'a déjà fait celui-là, je crois. 67, Psychic, choisis un allié qui te soigne à sa prochaine attaque. Le docteur. Bâtard. Soigner Deadpool en plus. Je suis pas du tout, mais le docteur il sera peut-être mort parce que ça a Gertrude de jouer. Et tu pourquoi t'aimes pas le docteur comme ça? C'est David Tennant, le bordel. Ouais, mais le docteur, chaque fois qu'il a eu des événements, il les a fait à l'encontre de mes joueurs. Mais c'est pas vrai. Enfin, le coach du docteur. Enfin, sidekick, ça va, ça pourrait être pire. Tu pourrais prendre un 99, là tu ferais moins le malin. Allez, attaque avec niveau 9 sur le docteur. Oh putain. Ah, ça n'a pas marché. Les dés sont bloqués. Ah non, c'est bon. Eh ben, 1. Ça, ouais. C'est la chance de David, ça. C'est ça. Événement 17. 17. Assemble. Les héros gagnent 10 points. Donc, l'héros, c'est Docteur. C'est Deadpool. Et c'est Gertrude. Et c'est à Venom de jouer. De toute façon, il ne gagnera pas le Venom, donc il va attaquer le 10e Docteur. Mais... il est adorable. Venom, il est adorable. 18. C'est bien un symbiote, ça. Moins 18 pour le docteur. De toute façon, le docteur n'arrête pas d'attaquer Venom, donc il faut bien se venger. Ah ouais, je t'ai même pas attaqué une fois. Oh, fois. Si, une fois, allez. Plusieurs fois. En réplique, va. On peut donner l'événement. C'est quoi, vous voulez, événement 7. Ah, il a Hydra, les super vilains gagnent 2 points. Eh ben écoute, c'est pour Venom, 2 points. Il passe donc à 18. 10e docteur, 6 pour le niveau, 43 pour les points. Et là, j'ai décidé d'accélérer un petit peu, et donc ça va taper fort, là. Bon. Bon, bah, je vais mourir au prochain tour. Écoute, j'attaque Venom, puisqu'il le cherche. Avec un dé de niveau 6, donc, hein. 16. Oh non. Et non, je ne suis pas. Il reste 2 points à Venom, décidément. Ben, alors, on a dit. Clément a dit celui qui va faire l'événement. Non, 93. Ah, c'est dommage, 92. Oh. Science, Biatch, ta répartie coûte 5 points au perso de ton choix. Yes. Venom dans ta gueule. Chut. Venom voilà. Perd donc la vie, peut-être provisoirement, on n'est pas à l'abri d'un événement, et fait donc passer le 10e docteur au niveau 7, ce qui commence à être intéressant pour lui. 7 fois 11, 77, il récupère donc au passage 34 points de vie, et c'est à Deadpool merde, de jouer. Moi, je suis bien, enfin, je suis dans la merde de manière plutôt confortable. Parce que évidemment, Deadpool va taper sur le docteur. Non, tu crois? Évidemment. 17, allez, c'est déjà pas mal pour commencer. Quant à l'événement, c'est le 50. Ça me dit rien qui vaille. Oh non, non. Level up. Oh, moi je croyais pas que c'était ça. Le level up. Et bien écoutez, level up. Non, moi je croyais vraiment que c'était complètement autre chose. Il gagne, du coup, niveau 7 x 16, 112. Oh, il gagne 5 points, quoi. Non, moi je croyais que c'était. Tu retrouves ton truc de départ, là. Non. Le relaunch. C'est 64, je crois. Ah, d'accord. Et c'est à Gertrude de jouer. Gertrude va poursuivre l'opération de démolition sur le docteur. Belle opération, 35. Oh putain. 35. Il reste donc 25 points au docteur, qui est donc la victime de mon équipe. Quant à l'événement, c'est l'événement 60 et 11. 9-7. Il ne se passe donc rien. Docteur, à vous. Donc j'ai une chance de faire un truc bien. Une chance sur 100 de gagner par KO. Parce que, on le rappelle, il y a l'événement qui fait gagner la finale. Bon, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis. Je vous avoue que dans la situation dans laquelle je suis, tu vas devoir que. L'événement 93, je pleure. Franchement, là, tu. Bon, bah, j'ai prié tous les dieux et je vais taper sur Gertrude en baroud d'honneur. Ah, c'est bien, c'est élégant. C'est élégant. Allez. Et là, je tremble, hein, forcément, hein, puisque. 0. Alors, non, déjà, tu vas taper de 36. Ça va être quoi? Il fallait que tu fasses 93 comme événement. Ouais. 99. Bah, du coup, non. Tu fais pas 93, tu fais l'inverse, tu fais 39. Futures End, saut dans le temps des trois prochains personnages. Alors, donc, Deadpool ne joue pas, Gertrude ne joue pas, 10e Docteur ne joue pas, donc ça ne change rien. C'est à Deadpool de jouer et donc d'en finir sans doute avec le Docteur et d'asseoir mon triomphe. Niveau combien? Niveau 7? 12? Ah non, pas encore. Petit sursis pour le docteur. L'événement 61, s'il vous plaît. Michael Bay du pauvre, tout le monde perd un point. D'accord. N'empêche, j'aurais fait un beau dernier truc sur Gertrude, hein. Quitte à mourir, au moins. C'est ça. Du coup, bah, c'est peut-être des mains de Gertrude que tu vas y passer, mais bon, on sait jamais, c'est pas joué. Tout à l'heure, t'as fait 1 quand même. Ou non, c'est ça. Là, faut que je fasse 12 et j'ai jusqu'à 80, je crois, ou 60. 60, c'est ça? Ah là là là là là là. Alors là, c'est même pas une destruction. Là, c'est elle a sorti sa hache, elle a tué toutes les étoiles en même temps que toi. 57. Oh. Bon bah voilà. Au moins j'aurais. Voilà. Alors du coup, jusqu'au bout. Voilà. Donc le personnage du docteur se retrouve à moins 45 points. Donc à moins d'un drame. L'événement. À moins d'un drame qui ressuscite un personnage ou qui fasse une connerie comme ça, j'ai forcément gagné. Et l'événement. 46. Iron Fist. Un fist d'un personnage a rajouté 8 points. Bah Deadpool, hein. Bon bah. Elle est violente, Gertrude, hein. Donc c'est à Deadpool de jouer. Et alors là, du coup, on va y aller au panache. Ils vont tous s'attaquer les uns entre eux. Il n'y a plus de copains. Là, c'est bon. C'est la fête. L'équipe a gagné. Deadpool, moins 19. Événement 47. Moins 19, du coup, sur Gertrude. Pas sûr. Aïendra, les héros perdent la moitié de leurs points. Écoute, ça ira, ça ne fera qu'accélérer cette fin de finale. Donc 46 points de moins pour Deadpool et 47 de moins pour Gertrude. On se retrouve à un score de 47 à 48. Gertrude attaque Deadpool. Elle est même pas passée. Ah si, Gertrude est niveau 10 quand même, hein, mais bon, c'est pas grave. Je change pas les points de vie, je passe juste le niveau 10. Et Deadpool attaque donc. Gertrude attaque donc Deadpool 2. Super, belle attaque pour le D maxi. Pour le D maximum qui va jusqu'à 75. Belle attaque. Moins 2, événement 60. Alias Investigation. 5 points en plus. Deadpool attaque Gertrude et lui fait 0. Ça va s'arrêter, c'est dans cette merde là. 58. Il a fallu que tu l'effaces après avoir tué le docteur. Putain. 58 pour l'événement. 9 Said. Allez, Gertrude attaque à son tour. Avec un déni. Mathieu gagne sur un 93. Moins 11. Événement 77. On aurait dû créer le 49-3 en fait. Iron Fist, un personnage, RHP 3 points. Eh ben écoute, Deadpool, hop, moins 3. Deadpool aime bien le Fist là. Et c'est vrai, ça fait deux fois de suite qu'il se le prend. 56 pour Gertrude, 31 pour Deadpool. Personne n'a encore gagné. Deadpool attaque Gertrude. Niveau 7, ça fait moins 18. Événement 77, encore, c'est le Fist à 3 points. C'est pas Gertrude dans 18. Super, le mec est tellement fou. Événement. Bah 77, c'est le Fist à 3 points, je crois. Ah. Oui, oui. Ouais. Gertrude attaque Deadpool. Ah, c'est terminé. Moins 56 pour Deadpool. Ouch. Qui perd donc la vie. L'événement, on va quand même le faire, on sait jamais. C'est l'événement 11. Schumacher, la première tour, te fait perdre 8 points. Et voilà, la grande gagnante. Ça aurait été drôle quand même, un bang 99. Imagine, les deux meurent. Hein. C'est pas quoi. Les ballons étaient dans la merde. On était vraiment dans la merde, parce que je n'y avais pas pensé à cette éventualité. Gertrude passe donc pour la forme, mais vraiment pour la forme, au niveau 11, voilà, et est donc la grande gagnante des Infinite Wars 2016, et moi avec, du coup. Je serai donc l'homme à abattre la saison prochaine. Je le dis d'ores et déjà, Gertrude sera évidemment dans mon équipe et tentera de défendre son titre dans un an. Avec d'autres règles, encore une fois, on changera. Son esprit est assez pervers pour ça. On a fait l'argumentaire, on a fait le hasard, je sais pas encore comment on fera, mais on trouvera. Ouais, c'est ça, on trouvera. Ah, ne sois pas, comment dire, ne sois pas triste. Oui, moi j'ai tenu jusque face à toi quand même. Tu es sur le podium. Exactement. Le docteur finit troisième et tu finis du coup vice-champion en tant que coach, donc pas mal. L'histoire retiendra Carnot. Voilà. M'en fous, j'ai gagné déjà une fois. Voilà, bah écoutez, je vais donc me mettre mon petit trophée sur mon bureau. Vous voyez, hein, vous savez, j'ai allumé une bougie depuis 15 heures cet après-midi en mémoire de vos personnages disparus. Je savais, je le sentais. Allez, pour une fois que c'est la stratégie qui gagne, on va pas se plaindre. Du coup, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles Infinite Wars. Infinite Wars 2017 qui auront lieu l'été prochain si tout va bien, à moins que les règles soient tellement importantes qu'on change complètement tout ça. Je sais pas. On verra dans un an ce qu'il en sera, mais ça sent le team-up. Je veux être avec toi, Mathieu. Je dis tout de suite. Ça sent le team-up. Je sais pas encore à réfléchir. Peut-être que ce sera pas ça du tout, mais ça sent le team-up. T'as un an pour y réfléchir. J'ai quand même Prums, hein, si c'est team-up, Prums avec toi. Bah, comment il lèche. L'enregistrement de la finale, voilà, on s'en rappellera. Ah. Allez, bel été, belle fin d'été à tous, puisque maintenant l'été est terminé, puisque vous en êtes à la finale. Bonne rentrée, évidemment, et puis on se retrouve maintenant très très très vite pour le retour du MAG, pour le retour de sur nos écrans, avec plein de choses importantes. On commence notre quatrième saison, et donc la cinquième année du site, ce qui veut dire qu'à la fin de cette quatrième saison, on fêtera nos 5 ans, et on va essayer de fêter ça le plus dignement possible. Bonne rentrée à tous, vive Gertrude, et à bientôt. Salut. Salut.